Ouais, ma vie c'est le Truman Show. La cam tombe du ciel sur la scène. Sourire coincé à la selle. Je parle pas, on me fait tout à l'œil. Je viens en retard comme si j'étais à l'heure. Je pardonne pas comme si j'ai des valeurs. Grammaire sur ma liste de malheurs. Ta grand-mère qui valide le 20h. Mais cette vie est belle, je le sais. Comme 1 000 000 euros de recettes. Comme des tourtereaux sur la branche. Avant que le chômage ne fasse qu'elle ne cède. Je sais qu'il faut du blé pour les tenir. Ou attendre la prochaine manche. Non, je vais pas pleurer devant ce film. Je sais que c'est péché d'être sensible. La peur nous pousse comme des infirmes. Trop de journalistes qui désinforment. Salle de prière désemplie. Tous occupés à monter des empires. Avant que je me désintègre, je vais me trouver, je vais faire la paix. Après je vais rouler un terre et fusionner avec le canapé. Ouais, bien sûr que j'ai tout prévu. C'est le chemin qui compte pas, la fin qui prévaut. Gros, les poteaux avant les putes. Je vais sauver les hommes avant les veaux. Je vais sauver les miens avant les vôtres. Gros, sinon c'est pas la peine. Mais sauver les siens avant les autres. Gros, c'est le programme des Le Pen. Ouais, populace manipulée. Au profit de qui ce n'est pas stipulé. Orphelin violé, désarticulé. Les loisirs de la haute sont particuliers. Viens voir la vie qu'on peut pas diffuser. C'est celle qui est acidulée. Là où le shit et le smic c'est le max. Au-dessus l'esclave serait moins stimulé. Ouais, je sais comment ça se passe. Un joint comment ça se tasse. Une chouin comment ça se masse. Un cul comment ça se casse. Donc je sais pourquoi elle veut que je repasse. Pourquoi elle veut qu'on le refasse. Pourquoi elle veut qu'on ressasse. Même une minute dans le sas. Ouais, le sexe et l'argent ça fait tout. J'ai les deux et pourtant ça fait rien. Ne respire pas mon air, ça m'étouffe. Je veux être libre, le je m'en bats les reins. Ouais, je veux être ivre, demain ne compte pas. Pourquoi la vie devrait être un combat. Hein. Gros, j'esquive l'œil et le compas. Ainsi que les soldats que la machine dompta. Ouais, je conjugue au pas, c'est simple. Passe-moi le feu, la lumière va s'éteindre. Je tendrai jamais la patte à ces chiens. Pour le moment, on s'en sort assez bien. Verre à moutarde rempli d'eau. Je prends la pilule rouge comme un antibio. Je vais m'asseoir en lotus au Tibet. Et me coiffer comme les refs en chimio. Les élites sont des satanistes. De sombres sorciers maîtrisant la magie. Les créateurs et gardiens de la matrice. À chaque poste de pouvoir, quelqu'un de la famille. C'est bon pour le bénéf si c'est la panique. C'est bon pour le bénéf si c'est la famine. C'est bon pour le bénéf de ruiner l'Afrique. C'est bon pour le bénéf d'asservir l'Asie. Ouais, ce monde est cruel à souhait. Les mentalités sont baisées à fuck. Je vais nous venger les baisers à souhait. Même si le mal par le mal, c'est pas top. Ou bien j'oublie tout et j'ouvre mon laptop. Je fais navigue privé, je cherche gangbang hardcore. Là, je me branle à mort en attendant la mort. Devant l'amour de ceux qui ne font qu'un corps.